Donc il dit, ça concerne également les gens dans la Ummah aujourd'hui qui ont délaissé certaines ibadah, soi-disant par piété. Par exemple, ils ne font pas d'aumône, ils ne font pas la salat au masjid en jama'a, par peur de, soi-disant, l'ostentation, ou qui font pas talab al-ilm, également, ils disent tout cela parce qu'on a peur de l'ostentation, du riya. Tout ça, ça rentre dedans. Car là-bas, c'est des obligations. J'avais rencontré une personne, au début, quand je m'étais converti à l'islam, c'était pas un musulman, c'était un kafir. Mais il disait comme ça, il disait, moi, si je me convertissais à l'islam, j'irai pas faire mes salats en groupe au masjid. Je le ferai dans mon coin sans que personne ne me voie. Ça sera entre moi et mon Seigneur. Le miskin ne savait pas. Et ben ça, ce fikr, c'était une personne du kouf. Ben regardez, des gens de l'islam, ils l'ont. Des gens de l'islam, ils l'ont ça encore. Et on en trouve des gens pareils. Par exemple, t'as des femmes, elles délaissent le hijab. Elles disent, moi, je mets pas le hijab parce que ça voudrait dire que je me sentirais mieux que les autres ou quoi. Moi, je porte pas le hijab, mais je fais des choses bien. Genre, elle se voit meilleure que certaines sœurs qui ont le hijab. Elles vont dire, par exemple, Fulana porte le hijab, mais elle ment et elle fait des choses pas bien. Moi, je porte le hijab, mais moi, je fais pas ça. En détail, elle ne fait pas ça, mais porte le hijab également. Car au moins, cette sœur, même si elle fait des péchés, au moins, cette obligation, elle l'a faite. Et ce qui est dans sa niya, ça ne te concerne pas. C'est entre elle et son Seigneur. Donc ça, c'est une prétention qui est fausse. Et si tu délaisses le hijab, eh ben, c'est pour riya également. Car tu veux que les gens, ils te voient. Et qu'ils parlent de toi en disant, elle porte pas le hijab, mais elle est bien. Mais si mais les gens étaient sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle porte le hijab. Ou ceux qui font pareil que la barbe, ils se rasent la barbe, ils disent, moi, je suis pas un barbu, parce que les barbus, j'en vois, ils ont des barbes, mais ils font ça, ils mentent, ils trichent, ils escroquent, ils font. Donc moi, je veux pas, après qu'on parle sur moi comme eux, donc moi, je préfère ne pas avoir de barbe et faire du bien, qu'eux ne le font pas. On dit, hagadik. C'est une chouboîte, elle est partie là. Car en ravant ta barbe, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc laisse ce que les gens ils disent. Et ce que ces barbus ils font, comme péché, ne le regardent que eux. C'est entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, quand même. Mais en tout cas, ils n'auront pas le péché d'avoir rasé leur barbe. Même s'ils mentent, ils escroquent, ça c'est un péché, bil achek. Mais en faisant cela, ils ne représentent que eux-mêmes. Ils ne représentent pas tous les barbus, la barbe de la sunna. Ça c'est entre eux et leur Seigneur. Donc on ouvre ce bébé là, les gens vont dire, moi je suis pas salat, parce qu'il y a des gens ils font salat, ils font du mal, donc moi je suis pas la salat pour pas qu'on dise que kaza et kaza. Ça c'est bâtil. Hadal mbeb, ça rentre dans ce sujet là. Le délaisser des choses wajib, mbeb el wara, soi-disant par piété.